FrenchPod.com. Il pleut, bergère. Tu aimes vraiment cette chanson ? J'aime la pluie. On peut sauter dans les flaques. C'est malin. Je suis toute mouillée maintenant.